commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck-Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir du 6 octobre 2017. Et bien ce soir, tout au long de votre programme Lumière sur les ondes, nous reparlerons de la crise dite anglophone. Nous reparlerons parce que la semaine dernière déjà, le vendredi de la semaine dernière, nous avons abordé ce thème, le thème qui est le suivant, crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. Crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église, c'est donc la deuxième partie. Ce soir, nous allons continuer à nous entretenir et à vous entretenir sur ce thème ô combien important. La semaine dernière, il y avait beaucoup de messages qui n'avaient pas été lus en off. Beaucoup de frères et d'auditeurs ont appelé pour pouvoir contribuer. Malheureusement, le temps qui nous était imparti n'était pas assez consistant pour prendre toutes les réactions et toutes les préoccupations. Mais ce soir, mesdames et messieurs, nous revenons sur cette émission, dans cette émission avec ce thème. Nous revenons sur ce thème, le rôle de l'Église dans cette crise dite anglophone. Quelle est donc la responsabilité de l'Église? Est-ce que vous pensez que l'Église a su prendre ce problème à bras le corps? Est-ce que l'Église ne s'est pas enfermée dans un certain mutisme? On va continuer de le savoir avec nos invités qui sont dans ce studio. Je vais me tourner vers le frère Élie Bertrand Tchabda. Frère, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes. Alors la semaine s'est bien passée? Très bien. Très super, bien. Super. À côté de vous, comme la semaine dernière également, vous êtes revenu ce soir pour parler de ce problème dit anglophone, d'aborder la question du rôle de l'Église. Pasteur Junior Longo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Alors on revient sur cette actualité. La semaine dernière, on redoutait une journée, c'était la journée du 1er octobre, une journée où on avait annoncé beaucoup de casses, beaucoup de heurts. On avait annoncé même le sécessionnisme, la séparation du Cameroun dit anglophone des régions du Nord et du Sud-Ouest. Le 1er octobre, Élie Bertrand Tchabda, malgré de sources gouvernementales, le ministre de la Communication est monté au créneau, Issa Tchiroma Bakary, et a annoncé une dizaine de morts. Et on s'en tient à ça parce que c'est la communication gouvernementale. Malgré ces 10 morts qu'on regrette malheureusement, on peut dire ici que ce qui avait été annoncé a pratiquement accouché d'une souris. Encore faut-il que la communication gouvernementale est la source de la vérité. Bon, je vais quand même dire quelque chose par rapport à cela, c'est que quel qu'en soit le parti, il y a quand même eu mort, même si c'était une seule personne qui avait été tuée. Oui. Dans ce cas, il serait malencontreux de dire, d'essayer de minimiser le nombre de victimes. C'est-à-dire que la discussion ne viendrait pas au niveau du nombre de victimes maintenant, parce que dans l'autre camp, Amnesty International parle des 17 et d'autres parlent de plus d'une trentaine de morts. Alors maintenant, ce qu'on peut dire à l'entame de cela, c'est que malgré l'appel à la révolte et quoi, l'appel sécessionniste dont vous avez parlé dans votre introduction, oui, nous avons vu que de façon claire,

11 57 97 652 11 82 652 11 57 97. Voilà les codes d'accès pour les messages et pour les appels. Mais on revient dans ce studio d'abord. On a écouté cet élément avec Charlie Bakodi que nous avons pris depuis Yaoundé, qui nous fait savoir que le rôle, d'après lui, de l'Église dans ce contexte de crise dite anglophone, c'est un rôle de sensibilisation, c'est un rôle d'éducation. L'Église doit prier pour que cette situation puisse changer. Est-ce que vous êtes du même avis que lui, Pasteur Junior Longo? La parole de Dieu nous dit des choses claires. Et la Bible dit, parce que j'ai entendu dans le message de Monsieur Bakodi, je l'ai entendu dire que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Oui, avec un ardent désir. Et effectivement, c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Mm-hmm. Et la parole de Dieu nous dit que ils attendent même que l'Église révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui. Ça veut dire que devant cette situation, l'Église, qui a aussi reçu l'évangile de la réconciliation, est celle qui est censée pouvoir instaurer la réconciliation au travers de la parole de Dieu. Mmh. Ça veut dire que, parce que lorsque j'entends ce qu'il a dit que les pasteurs peuvent prêcher maintenant, on se demande si ces pasteurs sont vraiment appelés du Seigneur, sont vraiment ceux-là qui ont été envoyés par le prince de paix pour instaurer la paix dans le cœur des hommes. Oui. Donc c'est très important pour nous de savoir que effectivement l'Église a un grand rôle à jouer. Oui. Et que actuellement l'Église n'est pas en train de jouer ce rôle. Mmh. Parce que l'Église est le sel de la terre, l'Église est la lumière du monde. Oui. Et je pense que lorsque nous voyons les émeutes qui se produisent, lorsque deux personnes vivent dans la justice, ce que l'Église est censée enseigner à la nation, ce genre de choses ne peuvent pas arriver. Alors vous nous dites que l'Église n'a pas joué son rôle par rapport à cette crise. Effectivement, l'Église n'a pas enseigné la justice à la nation du Cameroun, parce que ce que nous voyons, oui, c'est maintenant le fruit des injustices, le fruit du péché qui est venu dans la nation. Donc on peut dire que c'est le fruit d'un manque de... Sommeil de l'Église. Du sommeil, voilà, oui, effectivement. Le fruit du sommeil de l'Église. Ok. Élie Bertrand Chavda, quand on parle d'Église, est-ce que ce n'est pas un peu généralisé ici? Est-ce que si deux personnes dorment dans l'Église, est-ce que ça veut dire que c'est l'Église du Cameroun qui sommeille, un peu comme nous semblait nous dire le pasteur Longo et le frère Charlie Bakodi, présente également cela dans sa lecture qu'il fait des événements qui ont lien avec la crise dite anglophone. Une fois de plus, ce que je remarque dans chacune des émissions que je passe ici, c'est que lorsque quelque chose se présente, nous confondons chaque fois les institutions religieuses à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au Cameroun se trouvent les églises du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pas l'autre, pas l'église, parce qu'il ne peut pas avoir dans un pays une église. Il ne peut pas avoir dans un pays une église, ce sont des églises et ça pose problème. Donc en fait, il faut redéfinir, comprendre la pensée de Dieu par rapport à cela. Lorsqu'on parle des églises, on a comme impression que ce sont tout un peuple que Dieu va susciter pour parler quelque chose. Mm-hmm. Là également, il faut comprendre le principe du gouvernement du Seigneur. Le principe du gouvernement du Seigneur depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse montre clairement que Dieu parle au président, au roi, par un prophète. Oui. C'est uniquement les prophètes qui sont chargés de leur parler. Est-ce que ce principe, sans vouloir vous interrompre, est-ce que ce principe qui avait pignon sur rue dans l'ancienne alliance, oui, s'est poursuivi dans la nouvelle alliance? Dans la nouvelle alliance, ça se trouve. Si vous lisez le livre des Marc au chapitre, je vais bosser rapidement parce que l'élément de Charlie Bakodi touche beaucoup de points et vous avez remarqué, j'ai noté. Mm-hmm. Si vous lisez le livre des Marc au chapitre 6, le verset 20 et 21, parlant de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, qui est l'intermédiaire entre les deux, les alliances justement, oui, vous allez remarquer que la Bible déclare que le roi Hérode, je recommence encore, dans Marc au chapitre 6, les versets 20 et 21. Là, on parle de la décapitation de Jean-Baptiste. Dans ce livre des Marc, particulièrement, j'ai cité cela parce que la Bible déclare que Hérode l'avait fait souvent appeler et il écoutait avec perplexe. Ouais. Parce que Jean-Baptiste, il s'entretenait généralement avec Jean-Baptiste. Il reconnaissait que c'était un homme juste. Mais à cause de la femme de Philippe, son frère Philippe, qu'il avait prise, et que chaque fois, quand dans leur entretien, il n'était pas permis de prendre ta femme, quoi, la femme de ton frère. Mm-hmm. Et cette femme-là, à partir de l'instigation, a fait qu'on a décapité Jean-Baptiste à un moment où il vient de terminer. Mais il était triste, mais il fallait qu'il accomplisse son serment. Mais donc, voilà par exemple un cas précis. Dans l'appel de l'apôtre Paul, qui est le nouveau, le Moïse du Nouveau Testament, oui, dans son appel spécifique dans le livre de Marc, Actes des Apôtres chapitre 9, qui est réitéré encore dans Actes chapitre 22, puis dans Actes chapitre 26, cette fois-ci, verset 16, il est de façon spécifique que l'apôtre Paul a été choisi de porter le nom du Seigneur Jésus devant les nations et devant les rois. Oui. Et dans son intervention, dans le livre des Actes des Apôtres, justement, on va voir son intervention depuis le Acte chapitre 24 jusqu'au chapitre 28, où il va successivement témoigner devant Festus, puis son successeur Félix, par la suite à Agrippa, et par la suite il va faire appel à César, qui était le roi de la terre en ce moment-là, comme au calibre de Donald Trump. Mm-hmm. Il a dû aller témoigner parce qu'il a fait appel à César. César était le commandant et le gouverneur Félix, le proconsul Galion était comme nous avons aujourd'hui, le chef de l'État. Oui. Alors ça dit qu'il a porté effectivement le nom du Seigneur jusque là-bas. Le moyen par lequel il le fait parler, je viens de toucher dans la nouvelle alliance. Donc ce sont les prophètes seulement qui les parlent. Et là, le chapitre 24, verset 20 à 27 particulièrement, nous donne un état. Lorsque Festus va venir au pouvoir avec Bérénice, il va l'appeler justement pour le faire entendre. Il va parler de lui, il va lui parler justement de la tempérance du jugement. Et la Bible déclare que ce roi a eu peur. Et quand il a entendu cela, il a dit que quitte mon présence, je vais t'entendre plus tard. Donc il leur a parlé effectivement comme Jésus l'a prévu. Alors pour revenir à parce que là c'était juste une fenêtre, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, pour toucher les propos de Charlie Bacaudier, vous étiez en train de nous dire que c'est aux prophètes de s'adresser au président de la République. Parce qu'en fait, parce qu'en réalité, dans chaque nation, le premier principe, c'est Amos chapitre 3, verset 7, qui nous dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir donné son conseil à ce serviteur, les prophètes. C'est précisé là-bas, serviteur, les prophètes. Oui. Amos chapitre 3, verset 7. Mmh. Et les pasteurs connaissent bien cela. Donc ça veut dire que s'il y a une chose de façon grande que Dieu veut établir dans une nation, son message sera adressé de façon spécifique aux prophètes. Ils doivent être au courant. Oui. Dieu ne peut jamais venir dans une nation et Dieu sait qu'il doit avoir des prophètes encore. Mmh. Alors maintenant, ça veut dire que s'il a des prophètes ici, il leur averti par rapport à des choses qui doivent arriver. Mm-hmm. Maintenant, c'est au prophète donc de donner de ces messages. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Mm-hmm. Parce que dans ces cas-ci, maintenant, nous nous trouvons, parce que dans l'interview que vous avez fait avec le frère Charlie, il est question ici de est-ce qu'on a comme sentiment que l'église dans le camp des anglophones ont dû faire ce qui était le rôle qui était de l'heure, donc l'appel au règlement, au calme. Je vais toucher ce point-là. Oui. Donc, nous voyons effectivement que ça veut dire que les gens qui se déclament comme chrétiens dans ce domaine-là seraient en train de faire quelque chose. En fait, la question devrait être ceci. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu dans ce mouvement? Est-ce de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Et qu'est-ce que les prophètes ont dit? Je crois que l'émission passée, il dit, où sont les prophètes du Cameroun? Parce que le rôle du prophète, on appelle prophète, c'est un porte-parole du Seigneur. Okay. Quand il vient avec l'insigne du Seigneur. Est-ce à dire que si un pasteur n'a pas un appel, un don prophétique, il ne peut pas. Il a aussi l'esprit de Dieu. Il va naviguer à vue. Oui, c'est important de souligner que pasteur, le Seigneur a envoyé ses apôtres, ses disciples, pour annoncer l'évangile aux nations. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir accès à tout le monde, car nous ne sommes pas tentés d'oublier que les dirigeants de nos nations aujourd'hui sont d'abord des hommes, des âmes qui ont aussi besoin d'être sauvées, des âmes qui recherchent aussi le salut. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle je me tourne beaucoup vers l'Église par rapport à ce que M. Charlie a dit. Oui. Parce que ce qu'il a dit était extrêmement pertinent. La semaine passée, ici sur l'antenne, j'ai dit que j'ai écrit au président de la République. Oui. Mais je n'ai pas écrit au président de la République concernant une effusion de sang quelconque au Cameroun. J'ai écrit au président de la République concernant la repentance nationale parce que le Messie vient. Oui. Et en réalité, les prophètes de cette nation, s'ils existent, devraient voir que le Messie vient, devraient voir que ça, c'est un des signes de la venue du Messie. Oui. Il a dit qu'il y aura des rébellions, des soulèvements, des effusions de sang. Et on voit ça au Cameroun, au Togo, en Catalogne, en Espagne. On voit ça aux États-Unis. Donc, ils devraient voir cela et commencer à préparer l'église pour ce jour-là. Mmh. Donc c'est pourquoi j'aimerais noter cela, que le problème c'est que actuellement l'église dans cette nation a perdu la direction. A perdu la direction de la justice et de la droiture. Parce que la seule raison pour laquelle les hommes sont obligés de marcher dans la justice, c'est qu'ils veulent entrer dans le royaume des cieux. Pour toutes les autres choses, on n'a pas besoin de marcher dans la justice. Alors puisqu'on parle de prophètes, il y a un qui a pris position sur la toile, le docteur Guy Parfait-Songuet, désormais l'envoyé de Dieu, qui a pris position sur la toile. Il a révélé un certain nombre d'activités qui se passent dans l'obscurité. Oui. Il a fait une certaine révélation à l'armée camerounaise. Je vais peut-être me ressasser ce qu'il disait. Il parlait par exemple des caches d'armes dans la zone du sud-ouest et à Molico. Il demandait vraiment à l'armée de retrouver cette cache d'armes parce que c'est dans les environs en périphérie. Oui. Il parlait d'une entrée importante de munitions, d'armes pour déstabiliser le pays. 5 conteneurs de l'ONU. 5 conteneurs qui auront effectivement qui seront estampillés UN, dans lesquels on retrouvera les armes, ainsi de suite, qui vont transiter par pas le nom, je crois. Voilà, justement. Et ça, c'était la première partie. Mais là, en deuxième partie, il met en garde le président de la République. Oui. Et il donne 3 jours. Oui. C'est ce qui peut-être a frappé l'opinion sur les réseaux sociaux. Il donne 3 jours au président de la République pour ramener le calme au pays. 3 jours, sinon le président de la République meurt. Ou alors le président de la République va connaître une fin. Encore que dans ses propos, le président de la République n'a pas de choix. N'a pas de choix. Oui, puisqu'il est le général. Alors voilà donc un homme de Dieu qui a pris position, un prophète certainement. Oui. Vous analysez sa sortie et Libertron Jabda. Ah, je crois les choses qui sont dites sur les réseaux sociaux par des groupes. Enfin, le Proverbe chapitre 28 que j'ai cité la semaine dernière dit que quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Ouais. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. On dit quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mmh. Il y a dans tout, même dans le camp des dissidents, même dans le camp de ceux qui grèvent et qui ont des tendances, il y aura plusieurs chefs qui vont sortir, qui vont être suscités. Même dans le camp, il y aura des divisions. Dans le camp des sécessionnistes, il y aura des divisions parce que par suite des guerres de positionnement. Oui. Dans le camp des amateurs du fédéralisme, il y aura des divisions. Mmh. De la même façon, comme dans le camp du parti au pouvoir, le parti politique, il y aura des tendances, les gens qui vont se positionner mais ne voulant pas dénoncer ou bien de dire ouvertement leurs pensées. Mmh. Mais quand tu as commenté ce qui est dit sur les réseaux sociaux, enfin, ce sera mal placé de le faire parce que en fait, ce n'est pas le canal de Dieu, si les prophètes de la bonne façon, de le faire là-bas. Quel est donc le canal de Dieu? Puisqu'aujourd'hui, on a un certain progrès scientifique et technique. Aujourd'hui, on peut utiliser ces réseaux sociaux pour passer un message. Est-ce que Dieu... Guy Parfait Songhe n'est pas prophète de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Ah, ok. C'est ce que vous voulez dire. Absolument. Ah, ce sont des propos qui vous engagent. Tous les propos que je dis chaque fois dans le message, les hommes m'engagent. En fait, je voulais vous dire que je ne commenterai pas son propos parce qu'il n'est pas prophète de Dieu. Absolument. Okay. Oui, pasteur Junior Longo. Amen. Je pense que les Écritures sont claires et que la Bible nous dit comment est-ce qu'on reconnaît un prophète. La Bible nous donne clairement les signes des prophètes. Et pour moi qui n'ai pas suivi le message de ce monsieur, oui, je peux simplement dire à l'Église, mm-hmm, à ceux qui ont entendu, de simplement prendre les Écritures et de regarder où est le conseil du Seigneur. Mm-hmm. Comment un prophète peut arriver dans une nation qui est dans cet état et ne pas appeler à la repentance, alors que Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel l'ont fait. Donc, c'est très important pour l'Église en ce moment de savoir que chaque fois que l'Éternel parle, les Écritures doivent attester, mmh, de la vie du serviteur, des propos du serviteur. Surtout lorsque quelqu'un dit être prophète, ça veut dire parler de la part de l'Éternel. Donc, j'aimerais qu'on dirige l'Église là-bas parce que c'est effectivement l'endroit où on voit le problème de l'Église. Mmh. Comment l'Église a rendu la nation confuse? Parce que dans l'Église, il y a plusieurs voies divergentes. Oui. Et alors, maintenant, il n'y a plus de direction. Alors, pasteur Junior Longo, aujourd'hui où les événements du premier sont passés, où on peut un peu souffler, on peut un peu se dire vraiment, ça se calme un peu, même si le problème n'est vraiment pas agressé, que doit faire l'Église à ce moment? Parce que là, on a peut-être évité un chaos. Je dis sur la base de ce qu'on a vu le premier, ce qui avait été annoncé, on a peut-être, on ne sait pas si c'est terminé, mais on a peut-être évité un chaos. On a eu le temps de respirer. Que doivent faire maintenant là les personnes qui tiennent l'Église ou alors les communautés chrétiennes du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alléluia. C'est très important de savoir que nous ne sommes pas passés à côté d'un chaos. Déjà 17 morts dans ce genre de circonstances. Ah, vous dites 17 morts. C'est déjà, bon, c'est ce que les infos disent, moi je ne sais pas. 10 morts, même si c'est un. Ouais, c'est déjà assez dramatique pour, mm-hmm, une nation. C'est déjà assez dramatique pour les parents, pour les familles des endeuillés. Et ce que le Seigneur attend de l'Église maintenant, c'est pourquoi j'aimerais beaucoup qu'on parle de la source du problème. Ouais. Qui est le péché dans le cœur des hommes? C'est ça la source du problème. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème du péché, le problème de l'iniquité, car la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe que l'œuvre de la justice sera la paix. Et la Bible dit que le fruit de la justice sera le repos et la sécurité. Ça veut dire que c'est clair. Il faut maintenant restaurer la justice. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Deutéronome que lorsque nous mettrons la parole de l'Éternel en pratique, nous aurons la justice en partage. Donc la Bible nous enseigne maintenant que c'est la parole de l'Éternel qui est la justice. Et il nous dit par les prophètes, Jérémie, Ézéchiel et autres, que lorsque il va ramener son peuple à lui, ça veut dire lorsque le peuple va se repentir, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Ça veut dire que ce que Dieu demande à cette nation, c'est de se faire des cœurs nouveaux. Et c'est ça le rôle de l'église, parce que l'église dans cette nation a arrêté de prêcher la croix et le sang de Jésus, a arrêté de prêcher la repentance. Parce que la première chose à savoir, c'est que l'église doit d'abord se réconcilier et réconcilier la nation avec le Seigneur. Okay. Parce que c'est pourquoi je vous ai dit, il y a beaucoup de confusion dans l'église. Je vais prendre un exemple. Oui, allez-y, je vous en prie. Sur le plateau ici la dernière fois, vous avez deux panélistes, deux serviteurs de Dieu. Comment est-ce qu'il y a deux conseils différents du Seigneur? L'église doit pouvoir jauger et se demander où est le conseil du Seigneur. C'est très important, parce que c'est pour la même raison que des gens comme le monsieur dont vous avez cité qui allait sur les réseaux sociaux va se lever, les autres vont se lever. Mais où est la direction du Seigneur? Est-ce que les prophètes dans la Bible ont donné deux conseils différents? N'est-ce pas dans les Écritures, Agabus est venu et quand il a annoncé à Paul, voilà ce qui va t'arriver, Paul a dit, oui, je suis au courant. Ça veut dire qu'il parlait du même esprit et c'est le réel problème de l'église. C'est pourquoi maintenant, l'église est confuse. Et c'est l'église qui rend toute la nation confuse parce que l'église est la lumière du monde. Mmh. L'église dans cette nation devrait être la lumière de cette nation. Et il dit dans la Bible que si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien seront grandes ténèbres? Alors, on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission en appelant 697-58-90-61, 697-58-90-61 ou alors au 652-11-57-97, 652-11-57-97. Nous traitons ce soir du thème Église. On parle de nous parlons de la crise anglophone et le rôle de l'Église. Voilà, effectivement, merci de me rappeler. On parle de la crise anglophone et du rôle, effectivement, du rôle et de la responsabilité de l'Église. Crise anglophone, rôle et responsabilité de l'Église. Élie Bertrand Tchabda, réaction à chaud. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, je voulais dire quelque chose, c'est que même s'il y a la calmie, même s'il y a la calmie dans toute situation, pas seulement dans cette situation, même s'il y a la calmie, quand un problème est posé, quand une pensée est projetée dans l'univers, quel qu'en soit le temps que ça mettra, cette pensée ressurgira. Il fut un temps où Patrick Lumumba avait été tué, Thomas Sankara avait été tué, Sékou Touré, tous les autres Kwame Nkrumah qui étaient des leaders de panafricanisme. À un moment donné, on a eu la calmie. Mais maintenant, il y a des ressurgissances de cette même pensée au milieu de jeunes et les gens sont plus voraces. Donc, en clair, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut traiter les mots à leur racine. Ouais. Les mots à leur racine, je vais encore dire une chose pour le Cameroun et plusieurs fois j'en ai parlé sur ces ondes, que lorsqu'un pays est calme, ça peut être un signe d'avant-coureur d'une menace profonde. Mmh. Et lorsque vivre en paix, d'après la définition biblique, ce n'est pas être calme sans des troubles tout autour de nous. Parce que Jésus, par exemple, a dit à ses disciples que vous aurez des tribulations. Pourtant, ils ont le prince de paix. Alors maintenant, le problème maintenant, c'est que les gens ont mis le prince de paix dehors et attendent justement lorsqu'il y a des problèmes pour faire appel au Seigneur. Mmh. Et Dieu, dès le départ, prévient l'homme. Prévient l'homme à tout temps qu'il a se réconcilié avec le Créateur. Quand l'apôtre Paul est allé à l'aéropage, il a dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les peuples en tout lieu qu'ils aient assez repentis. Lorsqu'il a parlé comme ça, le peuple qui était là, qui était chaque fois dans les journaux, écoutant les journaux, les philosophes, les stoïciens et ainsi de suite, ils voyaient là une nouvelle doctrine qui venait détrôner leur pensée à eux. D'où ma glissade maintenant dans la direction des rois et les dirigeants de ce pays. Alors, on va prendre cet auditeur qui nous appelle au numéro de téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Allô? Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Je suis le frère Libertin Sow. Libertin Sow, vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis un dépendant. Dépendant. Alors, vous voulez participer à l'émission, nous traitons de la crise anglophone, du rôle et de la responsabilité de l'Église. On vous écoute, frère. Que le Seigneur vous bénisse, frère. C'est un réel plaisir pour moi de prendre à cette émission. Voilà, le thème, c'est l'Église, la crise anglophone, le rôle et la responsabilité de l'Église. Effectivement. Je vous dis déjà que normalement, l'Église a pour elle de suivre l'amour de Dieu pour l'humanité, indépendamment des circonstances et des sociétés dans lesquelles on se trouve. La véritable Église du Seigneur, c'est de dire l'amour de Dieu, en quelque lieu que ce soit, en quelque circonstance que ce soit. Mmh. Malheureusement, nous avons des institutions religieuses dans notre pays, quand je suis un peu surpris de constater que vous êtes, même vous suivez, vous êtes fléchir les genoux pour porter le fardeau de ce pays, pour dire la volonté de Dieu pour ce pays. Et donc, dans ce pays, il n'y a plus la crainte de Dieu. Car la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. C'est ce que la Bible nous enseigne. Oui. Si la crainte de l'Éternel est la haine du mal, dans notre pays, le mal a atteint une proportion indescriptible, très pire, que nous n'avons plus la crainte de l'Éternel. Le rôle de l'Église, c'est de dire aux gens que nous devons rentrer vers Dieu afin d'établir sa, son amour dans nos cœurs, dans les cœurs. Ok. Ok. Allô? Oui, vous avez dit que le rôle de l'Église, on a compris le rôle de l'Église. Oui, donc en réalité, à l'heure actuelle, l'Église du Cameroun est en train de jouer son rôle, la véritable Église. D'accord. Allô? Oui, oui, poursuivez, poursuivez, allez-y rapidement. La véritable Église du Cameroun joue son rôle dans l'ombre parce qu'elle n'a pas besoin d'aller chez les rois. Elle n'a pas besoin de s'accoutumer aux réalités de notre société. Elle joue son rôle. L'Église du Cameroun. Merci infiniment pour votre réaction. Vous restez à l'écoute de l'émission. On prend vraiment en compte votre réaction. Merci infiniment. Disons ceci, n'est-ce pas? Allez-y rapidement, oui. Allez-y rapidement, vous êtes en antenne. Oui, je voulais terminer en disant que dans notre pays, il y a eu des avertissements qui ont été donnés aux autorités de notre pays. Si vous allez sur la chaîne Bamba Iba, vous allez recevoir, vous allez trouver des enseignements qui ont été postés à l'intention des autorités de notre pays. Il y a des canaux sociaux, les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont servi de canal pour acheminer ces enseignements jusqu'à la présidence de la République. Oui. Il est demandé au président de la République de proclamer une journée de repentance pour les pays. Les prophéties parlant d'explosion et d'inondation dans notre pays sont proclamées. On avertit les autorités de notre pays que la détresse arrive. Or, ce n'est pas le message de cette année, c'est le message qui date de plusieurs années. Ok, on vous a très bien compris. On a passé le temps, on vous a très bien compris. On va donner la possibilité à d'autres auditeurs également de participer. Merci, mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Retour dans ce studio très rapidement. Il y a beaucoup d'auditeurs qui commencent à appeler au téléphone 697 58 90 61. Et le 652 11 57 97. Élie Bertrand Tchabda, le pasteur junior tout à l'heure disait que l'Église doit amener toute la nation camerounaise à la repentance, à rechercher des cœurs nouveaux. Oui. On va prendre cet auditeur qui appelle, priorité aux auditeurs ce soir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Je suis le frère Pascal Abiga. Ah oui, le frère Abiga qui a appelé la semaine prophète. Dernière. Le prophète. Voilà. Oui. Oui. Alors, la dernière fois, justement, j'avais commencé de dire que ce n'était pas une chose de Dieu. Et que la seule chose que nous avions à faire, c'était de supplier. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, la seule chose qu'on avait à faire, je crois que là maintenant, c'est bon. Allez-y, donc, éloignez-vous, oui. Ou bien vous le coupez complètement. Oui, et que la seule chose qu'on avait à faire, je ne sais pas si maintenant c'est bon. Oui. Voilà, que la seule chose que nous avions à faire, c'était de supplier pour notre nation. De supplier Dieu pour les autorités. Oui. Parce qu'il faut, comprendre la nation dans le sens biblique et spirituel. Oui. Et le gouvernement dans le sens humain. Okay. Aucune nation sur la terre, à l'exception de la nation d'Israël, n'est sur Dieu. Et aucun gouvernement, si ce n'est le gouvernement divin, aucun gouvernement, aucune manière de gouverner ne vient de Dieu. Que ce soit la royauté, que ce soit la dictature, que ce soit la démocratie, toutes ces formes de gouvernement sont des formes humaines de gestion des ressources humaines ou alors je ne sais pas des ressources financières. Alors c'est pourquoi Paul nous a recommandé de supplier pour nos autorités. Il n'a pas mentionné laquelle. Mais il a demandé que nous puissions supplier pour nos autorités. Mmh. Et Alors, qu'est-ce que vous recommandez? Le peuple camerounais doit supplier les autorités, c'est ça? Non, supplier pour les autorités. Supplier Dieu pour les autorités. Pour les autorités. Voilà. Okay. Et en suppliant Dieu pour les autorités, elle supplie le Seigneur également d'intervenir dans un domaine, par exemple, de la justice. Parce que je ne m'attends jamais à ce que le président Paul Biya instaure la justice. Je ne m'attends pas à ça. Okay. Parce que justement, il faut lui permettre l'opportunité, on va lui admettre l'opportunité hein, de pouvoir être dans, méchant. Et c'est pourquoi Paul avait dit qu'il faut donc supplier, parce qu'il savait comment les autorités pouvaient être. Alors, prophète Abega, une dernière question à vous qui êtes prophète. Oui. Que vous dit le Seigneur pour notre nation? C'est vous qui êtes censé donner le message aujourd'hui en tant que prophète. Que vous dit le Seigneur pour notre nation? Voilà. Je vous ai dit, la nation ne va pas se diviser. Ok. La nation est sous le coup des forces occultes. Oui. Et il faut juste supplier le Seigneur d'intervenir afin que nos autorités ne dans l'onction de ces autorités sataniques. Ok, merci infiniment pour votre réaction. Merci. Une deuxième chose, s'il vous plaît. Non, c'est bon. On va. Oui, vous dites. Oui, une deuxième chose. Vous voulez dire une deuxième chose? À ce qu'on appelle l'église. L'église, même si c'est deux personnes, un peu les deux personnes qui sont en studio, si on n'a pas besoin de crier partout pour les plus, repentez-vous. Si les deux personnes là se mettent et que dans la justice, ils demandent des choses au Seigneur, le Seigneur le fait. C'est son mandat. Donc, okay. Trois personnes se mettent sur la terre pour demander que son mandat est accordé. Okay. On n'a pas besoin de faire une convocation totale publique, un peu comme le fait tout à l'heure. Merci. On a très bien compris cette précision sur l'église. Eddie Bertrand Chabda, je disais tantôt que le pasteur Junior Longon nous disait que le Seigneur a besoin de nouveaux cœurs, que l'église doit amener le maximum de personnes à se repentir. Est-ce que vous pensez que toute la nation camerounaise pourra se répandre? Non, jamais. Ça ne se trouvera dans aucune nation sur la terre. Oui. Et c'est l'un des points sur lequel le prophète Abegand a insisté. Et là, il a raison. Oui. La Bible déclare dans le livre des, enfin, à plusieurs fois, Dieu est appelé le Dieu d'Israël. Oui. Les païens servent le Dieu d'Israël. Et dans le livre de Jérémie au chapitre 2, la Bible déclare qu'une nation change-t-elle son Dieu, mais Israël change ce qui est son Dieu à lui. Mmh. Donc tandis que chaque nation marche à la lumière de son Dieu, nous, parlant d'Israël, marcherons à la lumière de notre Seigneur. Et dans l'autre émission ici, dans la semaine dernière, j'ai dit, selon le livre de Zacharie au chapitre 2, verset 11 et suivant, c'est uniquement lorsque le Seigneur Jésus-Christ va gouverner que toutes les nations, et il a prophétisé ainsi, que toutes les nations ne pourront plus s'élever la main contre l'autre. Donc, quel qu'en soit ce qu'il en est, parce que même si le président Paul Biya se convertirait, même s'il amène la repentance au Cameroun en disant que tous les Camerounais se répandent, ça serait déjà une chose impossible, quasi impossible, parce que se trouve là, j'ai dit la semaine dernière que Dieu peut créer un bouleversement pour chercher les cœurs qui lui appartiennent. Oui. Ce n'est pas toutes les nations que Dieu entre chercher, c'est les cœurs qui lui appartiennent. Il attire l'attention pour que les gens se retournent à lui. Donc, même si le président de la République est là, il dit aujourd'hui de façon ouverte qu'il est pour Jésus-Christ, les mécanismes, comme le prophète André dit, les mécanismes institutionnels. Oui. Je parle sur le plan institutionnel. Oui, institutionnel. Les mécanismes institutionnels tels que les codes que nous avons ici et la constitution, tout cela seront contre la loi de Dieu. Parce qu'ici, au Cameroun, se trouvent les lois qui sont votées contre Dieu. Par exemple, sur la polygamie, l'avortement, et plus tard, le homosexualité qui viendra. Oui. Donc, chaque pays, la nation, n'est pas gouvernée par Dieu de façon directe, mais gouvernée par l'Antichrist. Okay. Mais la Bible déclare dans Proverbe chapitre 8, qui c'était encore la dernière fois, verset 15 à 16, que c'est par Dieu que les rois gouvernent, et c'est par lui que les juges de la terre ordonnent ce qui est juste. Mm-hmm. Donc, c'est par lui que les gens gouvernent. Et donc, dans plusieurs fois dans la Bible, je vais prendre l'un des passages clairs de la Bible. Oui. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent effectivement que ce n'est pas parce qu'on occupe une fonction qu'on n'est pas des dieux forcément. Puisque la Bible appelle ici dans le livre des Romains chapitre 13 les gouverneurs et les magistrats, les serviteurs de Dieu. Donc n'est pas serviteur de Dieu celui qui peut proclamer l'évangile. Parce que ici la Bible déclare qu'il a été envoyé de Dieu, que les magistrats et les gouverneurs sont envoyés de Dieu pour le bien. Donc c'est une autre branche, un autre attribut de Dieu qui a été octroyé aux gouvernants de la terre. Mm-hmm. Le titre du roi, c'est le titre même du Seigneur Jésus. Les avocats, l'avocat, le magistrat, ce sont les titres du Seigneur. Donc en clair, il faut qu'on comprenne. Et je vais aussi corriger le prophète par rapport à ce qu'il a cité dans 1 Timothée chapitre 2. Dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul n'a pas demandé de prier, de supplier les rois. Non. Il a dit clairement le pourquoi et le fait. Il dit afin qu'ils vivent une vie paisible. C'est pour cela qu'il a dit. Parce que les rois de la terre, premièrement, sous Néron, il y avait une vive persécution des chrétiens. Mmh. Et ils suppliaient donc Dieu pour que Dieu change le cœur, conformément à la Bible, parce que le livre du Proverbe, la Bible déclare que le cœur d'un roi est un courant d'eau entre les mains du Seigneur, et il incline où il veut. Mmh. Donc si Dieu veut incliner n'importe quel cœur à lui, particulièrement le cœur du roi, il inclinera. L'apôtre Paul ne disait pas qu'on intercède pour le roi là pour qu'il soit sauvé. Non, il disait qu'on intercède pour que les chrétiens vivent en paix. Okay. C'est ça dont il est question. 697-58-90-61 ou alors le 652-11-57-97. Vous pouvez participer à l'émission Pasteur Junior Longor. Tel que j'écoute le frère Elie Bertrand Tchabda, ça veut dire qu'on peut connaître encore d'autres crises, même plus graves que celles qu'on a connues tout à l'heure, qu'on vient de connaître ou qu'on est en train de connaître. Oui, c'est important de préciser, comme je l'ai dit dès le départ, que Matthieu chapitre 24... Matthieu chapitre 24 nous déclare clairement que ces choses doivent arriver. Oui. Ces choses doivent arriver. Donc on ne va pas dire que nous sommes à l'abri de tels événements. Oui. Et tant que nous vivons dans cette façon, dans alors le péché. Alors on va prendre cet auditeur qui nous appelle. Allô, bonsoir. Oui, oui, allez-y. Je suis supposé, le bien-aimé tout à l'heure disait qu'il va toucher le prophète en disant, en citant Timothée 2. Non. Ce serait justement ce que je disais. Je ne demandais pas qu'on se plaît pour les rois dans la mesure où ils soient sauvés. Oui. Mais je dis, il faut qu'on se plaît pour la situation par laquelle le Cameroun passe. Ok. On se plaît de Dieu pour qu'il prenne des bonnes décisions. Mm-hmm. Ok, donc là je pense que c'est tout à fait clair, c'est tout à fait clair. Merci pour cette clarification de propos. Pasteur Junior Longo, oui, vous étiez en train de donc, dire qu'effectivement... Ce sont des situations qui doivent arriver. Ce sont les situations que le Seigneur Jésus lui-même a annoncées comme devant arriver. Oui. Mais le plus important maintenant, je pense, pour l'Église et pour nous ici sur le plateau, ce serait pour l'Église de pouvoir révéler... Qu'est-ce qui est caché derrière ces situations aux hommes afin qu'ils sachent que c'est le moment où le Messie vient pour enlever son Église et que c'est le moment de se préparer. Parce que depuis le livre de Genèse, la Bible nous enseigne que le moment où le Messie vient, c'est un moment de ténèbres sur la terre. C'est ce qu'on retient et on prend cet auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Jean-Vincent. Pardon? Jean-Vincent. Jean-Vincent, alors vous voulez réagir à l'émission, allez-y, on vous écoute. Oui, je voulais... lis une portion du livre de Job. Allô? Allez-y, vous êtes en direct. Oui, le chapitre 22. Oui. Verset 21. Oui. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. Oui. Tu seras restauré si tu deviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de Satan. Oui. L'État est une personne morale. Alors, l'État mène une vie de désordre. Alors le rôle de l'Église ici est d'amener les hommes à se réconcilier avec Dieu. Oui. Autrement dit, il n'y aura pas de paix si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Merci infiniment. Merci pour cette belle participation avec verset biblique à l'appui. Le rôle de l'Église est d'amener les hommes à se réconcilier avec Dieu. On est absolument d'accord là-dessus. Absolument. Les hommes doivent se réconcilier avec absolument Dieu. Et c'est ça le rôle de l'Église, même dans cette crise dite anglophone. Oui, mais c'est ça. Oui, allez-y. Oui, mais je vais insister sur un point. Je vais dire que même si les hommes sont réconciliés avec Dieu, l'entité appelée État est gouvernée par des esprits démoniaques. Oui. Pour nous dire que malgré que les personnes vont venir au Seigneur, absolument, ça ne va pas freiner l'action diabolique. Puisque le Seigneur nous a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Elles doivent arriver. Il a dit aux chrétiens, gardez-vous d'être troublés. Ok. Voilà. On va prendre cet auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Alors, comment je vous appelle? Oui, je m'appelle Frère Sidouan depuis la PP Université. Ok, allez-y. Oui, je voulais intervenir par rapport à ça, frère. En fait, quand on regarde même dans ces nations au Cameroun, selon mon point de vue... Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. Bon, ça va? Éloignez-vous encore, allez-y. Oui. Je disais que par rapport au problème de cette nation, c'est, il y a combien de frères même, vraiment fidèlement nés de nouveau, en vue du Saint-Esprit, qui intercèdent et jeûnent pour cette nation. Je ne crois pas que dans au moins 20 millions d'habitants, je ne sais pas, qu'il y avait peut-être même seulement 1 million qui intercèdent pour cette nation. Et je voulais un peu revenir par rapport à ce que le pasteur Tchabda a dit tout à l'heure. Oui. Parce que je me rappelle dans un passage biblique où Abraham a demandé au Seigneur, s'il y a 5 juifs, il aller jusqu'à 5. Oui. Il a commencé par 30, descendre. Il a dit que Saint-Jésus a trop parlé. S'il y a 5 juste qui te cherchent finalement dans cette nation, et puis tu vas diffuser dans cette nation. Oui. Voilà, il a dit non. Donc, comme tout à l'heure, je suis vraiment très d'accord. Comme vous avez dit, le Seigneur est en train de vouloir faire ça pour vraiment voir réellement ceux qui l'appartiennent vraiment dans cette nation. Okay. Et ceux qui n'appartiennent pas. Merci, merci, merci. On n'a pas de contribution. Bon, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Le rôle de l'Église est de réconcilier les hommes avec Dieu. Oui. Et c'est ce que les dirigeants de nos différentes communautés chrétiennes doivent s'atteler à faire. Voilà. C'est ça, je voulais dire un peu quelque chose par rapport à ce que le panéliste a dit. Oui. C'est que l'État est une entité dirigée par les hommes. Oui. Et c'est parce que ces hommes ne connaissent peut-être pas le Seigneur, ou certainement pas, que maintenant elle est entre les mains de l'ennemi. Mm-hmm. Ça veut dire que s'ils reviennent au Seigneur de tout leur cœur, alors c'est eux qui pourront remettre cette entité appelée État entre les mains du Seigneur. Oui. Parce que n'oublions pas que Christ a déjà payé un prix à la croix pour que les cœurs soient purifiés. Et que l'ennemi interagit ici au milieu, dans le monde, au travers des hommes aussi. Mm-hmm. Donc c'est très important pour nous de ne pas oublier cela. Okay. Non, frère, il faut que j'essaie d'arranger celle-ci. Vous voyez, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 15, la Bible déclare que c'est quand le septième ange sonnera la trompette que les nations seront remises entre les mains du Christ. Tant que nous sommes sur la terre et que Christ n'a pas pris le trône, tant que cela n'a pas accompli, la Bible déclare que tout royaume sur la terre est sous le contrôle de l'Antichrist. Donc la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que nous sommes des dieux et le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses marches du Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, tout gouvernement, c'est pour ça qu'il est temps de parler de l'entité, l'État comme étant l'entité en même temps morale et physique. Les hommes qui vont gouverner, par exemple, prenons le cas de l'Amérique par exemple, nous voyons une personne, Barack Obama, qui est venue. S'il est antichrist, les lois sont aux États-Unis, c'est pas Obama qui est le problème. Mm-hmm. S'il est converti au Seigneur, son mandat fini, quitte, les mêmes lois continuent à fonctionner. Okay. Et au-dessus de se trouvent des gouvernants. Nous avons vu ça avec Daniel, Darius, premier, Darius II, et puis Cyrus et autres là-bas. Mais le gouvernement est resté de la même façon pyramidale. Donc c'est le problème spirituel de l'Église qui se passe. Mais maintenant, tout à l'heure, je voulais toucher le cadre à l'intérieur de l'Église par rapport au rôle clé de l'Église. Oui. Il y a des principes que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés sur la terre. Il a dit par rapport à l'état des cœurs qui sont à lui que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Mm-hmm. Maintenant, dans Matthieu chapitre 7, verset 3 à 6, il dit, comment peux-tu dire à ton voisin d'ôter la poutre qui est dans son œil, la paille qui est dans son œil, si tu n'ôtes pas la poutre qui est dans ton œil. Oui. Je suis en train de vouloir prendre ainsi. L'État a son rôle en tant que gouvernant. Ils ont le rôle de gouverner. L'Église a son rôle de vivre d'abord la justice et de briller. Mais maintenant, se trouve ce qu'on est en train de reprocher à l'État, l'injustice, en plein milieu de l'Église. Nous voyons au milieu des assemblées, je prends tout simplement comme ça en tant de fond. Vous voyez, vous allez à Paris, vous allez en Kinshasa, n'importe où, vous allez voir que dans une nation bien précise, vous allez à Paris pour le cas de la France particulièrement, vous allez voir que les Congolais qui se disent chrétiens se réunissent dans les églises des Congolais. Les Ivoiriens aiment aller dans l'église des Ivoiriens. Les Blancs aiment être dans l'église des Blancs. Au point où même dans une assemblée où il y a c'est mixé de différentes races, ils se séparent. C'est une mauvaise graine qui se trouve au milieu de l'église. Et là, nous trouvons dans une situation d'injustice que l'église vit et qu'elle voudrait aussi enseigner à l'État. Nous voyons en plein le sectarisme au milieu de l'église. La discrimination au milieu de l'église. L'homosexualité au milieu de l'église. Les péchés sexuels au milieu de l'église. Les mêmes fléaux qui sont détournés là-bas. Donc, qu'est-ce que l'église doit faire? D'abord, laver le linge sale en famille. Ok, très bien. Laver le linge sale en famille. Et après, maintenant, aller conquérir donc, et enseigner le droit. Le droit selon que Christ. Selon c'est que Christ ouais. Depuis que je suis sur ces antennes, j'appelle à la repentance. Bien que sûr. Ce soit l'église ou la nation, ceux qui voudront venir au Seigneur. La Bible dit dans Actes des Apôtres qu'il a accordé aussi la repentance aux païens. Mm-hmm. Ça veut dire que ceux qui voudront venir viendront, et ceux qui ne voudront pas ne viendront pas. Okay. Mais l'église est l'entité, c'est l'église actuellement qui est la lumière du monde. Ça veut dire que quand l'église ici est dans les ténèbres, on peut comprendre la suite. Et on sait que ce qui se passe dans la zone anglophone maintenant, ce n'est que la manifestation des ténèbres. Alors, une question qui n'a pas été répondue ici la semaine dernière, qui est responsable de cela? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? La Bible d'abord est claire par rapport aux événements qui arrivent sur la terre. Oui. Dans Lamentation, j'ai cité la dernière fois, dans Lamentation chapitre 3, les versets 36 à 38, la Bible dit que qui dira qu'une chose arrive, c'est que l'Éternel ne l'est volontaire. N'est-ce pas la Lamentation? Volonté? Lamentation chapitre 3, les versets 36 à 38. Oui. Donc, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait voulu? Quel que soit, il n'y a rien, c'est Dieu qui est le maître de l'univers. S'il ne veut pas que quelque chose arrive, ça n'arrivera pas de toutes les façons. Il dit que c'est lui qui crée l'ouvrier, l'orfèvre, et c'est lui qui crée, il crée même l'adversité, même les ténèbres. Il donne la prospérité, il appauvrit et il enrichit. Mm. C'est parce qu'on a présenté un Dieu bonbon aux gens, un Dieu qui aime tellement qu'il ne peut pas te punir pour le péché. Chacun donc peut avoir son péché mignon. Dit que Dieu peut tuer. Il tue, effectivement. Il tue. Ouais. Il a même attaqué même Moïse lui-même qui l'a envoyé pour tuer. Okay. C'est choquant, mais c'est la vérité. Vous êtes d'accord avec ces propos? Alléluia. C'est pas le diable c'est qui est responsable. C'est important de savoir que ce n'est pas le diable qui est responsable, parce que ce n'était pas le diable qui était responsable des malheurs de Job. C'était maintenant le Seigneur. Absolument. Et Job pouvait dire Dieu a béni, il a donné et il a repris. Donc c'est important pour cette nation, premièrement, de pouvoir comprendre ce conseil qui montre maintenant que ce sont de faux prophètes qui leur annoncent que c'est Satan qui est derrière. Oui. Parce que c'est le Seigneur qui est derrière. Et le message que le Seigneur envoie, c'est que le Messie revient. Et c'est le moment de vous préparer pour la venue du Messie, okay, et de restaurer la justice. Alors on va prendre cet auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est encore moi qui reviens. Votre poste récepteur, s'il vous plaît. Votre poste récepteur, oui. Oui, il est là maintenant. Mm-hmm. J'aimerais, s'il vous plaît, demander une opportunité d'être sur votre plateau. Parce qu'il y a des choses qui sont dites là qui ne sont pas vraies. C'est le prophète Abéga. Lorsque vous lisez dans Job 3, le verset 4, la Bible dit que Job lui-même a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job lui-même a provoqué son malheur. Il faut présenter Dieu, c'est le Dieu d'amour. D'abord, Dieu ne permet pas, il ne faut pas confondre la volonté de Dieu et une chose que l'homme permet parce qu'il a des intentions malsaines. Dieu n'est pas derrière cette crise anglophone. J'aimerais le crier sur le plateau. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, vous avez mon numéro, invitez-moi sur ce plateau et nous allons poser la parole de Dieu. Laissez-nous. Beaucoup de gens vous écoutent. Laissez-nous déjà votre nom. Laissez-nous votre nom, monsieur. Pascal Abéga. Ok, c'est le prophète Abéga. Ok, oui, merci. On en tiendra compte, on vous invitera. Élie Bertrand Chabda. Oui, je veux le prendre à chaud. Ok, bon, il y a une réaction à chaud. Élie Bertrand Chabda qui va vous prendre. Je vais le dire. Enfin, on a passé le temps pour vous parler. Ce n'est pas un jeu de ping-pong, mais je vais dire quelque chose. La notion de confession, ce n'est pas parce que Job a confessé que cela est arrivé. Jésus-Christ en a confessé lui-même. Je prends le type même, notre Seigneur, Jésus-Christ. Il connaissait exactement quelle était sa mission. Il connaissait qu'il passerait par la croix. Il a passé 3 heures à dire au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais c'est toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. La Bible déclare que Jésus-Christ a prié. Malgré qu'il connaissait la volonté, il connaissait ce que c'était la croix. C'était la volonté parfaite que quelqu'un qui n'a rien fait plus aller mourir à la croix. Oui. La Bible déclare qu'il a frappé à la croix pour nos péchés. Plusieurs fois dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 11, nous voyons effectivement comment il a dû déchirer le royaume, la royauté sous le fils Roboam pour donner à Jéroboam. C'est lui qui a décidé que Israël sera détruit et divisé en deux, une partie le sud à Jérusalem et 10 parties à Jéroboam. Personne n'a donné ce conseil là-bas. Donc Dieu crée également les divisions. Et chaque fois quand Dieu fait ces choses-là, il cherche toujours et chaque fois son projet arrive à terme, il arrive toujours à amener les cœurs à lui. Il a amené Israël en captivité. C'est impensable que le Dieu des nations puisse venir vaincre le peuple de Dieu. Mmh. Et au point, et là, le peuple de Dieu ne savait pas que c'est à cause du fait qu'ils se sont éloignés de Dieu que Dieu les amène en captivité pour servir d'autres dieux. Okay. Mais c'est quand même curieux pour un prophète de dire ces choses aussi. Alors, on sort complètement de cette émission. Pasteur Junior Longo, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin est celui, je peux dire du début, c'est que le Seigneur continue d'appeler la nation du Cameroun à la repentance. Premièrement, l'Église. Les ministres de l'évangile à la repentance a changé le message qu'ils annoncent maintenant à se détourner de l'évangile de prospérité, de l'évangile où on ne connaît pas Dieu, comme manifestement ça s'est passé au téléphone tout à l'heure, et à remettre maintenant cette nation entre les mains du Seigneur, à laisser cette nation sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Élie Bertrand Chabda, je vais aller sur 4 volets. Oui. Le président de la République, le gouverneur et tous ses conseillers. Au président de la République, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 4, ça c'est pas ma citation, c'est la Bible, chapitre 4 verset 13, que mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. C'est ce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 13. J'appelle ici à la repentance le président d'abord et sa famille, qu'ils comprennent que le Seigneur Jésus lui a donné une royauté de longue distance, de longue durée, et que tôt ou tard il va être appelé à lui. Qu'il pense à ses compères qui jadis il les embrassait, Mobutu Sese Seko, Jean-Paul II qu'il a plusieurs fois reçu, et tous les autres là qu'il a visité, les anciens présidents qu'il a connus, Omar Bongo Odigba. Il pense à leur départ et qu'il se prépare à rencontrer le Seigneur. La Bible déclare qu'il doit se préparer à rencontrer le Seigneur. Le deuxième volet va maintenant toujours à lui, c'est que en fait lorsque un problème se pose et que chaque fois vous avez des mauvais conseils comme les Achitopel tout autour de vous, il y a des moments où il faut écouter à un autre son de cloche, écouter d'autres avis pour essayer de jauger et attirer effectivement l'attention sur les problèmes et les voix qui sont données. Donc le président de la République doit écouter les voix des fils de son pays pour les amener sur une table et parler face à face. Il est appelé le père des nations. Donc il doit amener les enfants de la maison pour dire quel est votre vrai problème. Arrangeons le problème, n'allons pas dans les ruines et ne nous détruisons pas. Okay. Il ne doit pas envoyer les forces de l'autre pour aller les tuer. Et maintenant, j'ai fini maintenant par l'église, que l'église doit comprendre que le linge sale doit se laver en famille. Merci infiniment Oli Bertrand Chabda, merci également Pasteur Junior Longo, merci mesdames et messieurs, vous qui avez écouté cette émission, qui avez participé. On va dire merci également au prophète Abega et à tous ceux qui ont participé. On va rappeler que pour les prochaines éditions, on pourra convoquer le prophète Abega ici, qu'il vienne partager avec nous des saintes écritures. On va dire bonsoir à Grace Chabda, fidèle auditrice de Radio Bonne Nouvelle et fidèle de chez fidèle du programme Lumière sur les ondes. Bonsoir mesdames et messieurs et à vendredi prochain.